En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite, avec aujourd'hui un module conçu et réalisé par Étienne Pierre. Étendue des sons perceptibles. Son médium. Son grave. Son aigu. Son long médium. Son court médium. Son long aigu. Son court aigu. Son long grave. Son court grave. Son médium faible. Son médium fort. Son aigu faible. Son grave fort. Son flûte. Musique flûte. Son piano. Musique piano. Son violon. Musique, violon. Silence. Musique, piano. Musique, flûte.